Nico Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 19 février 2021. Voici les grands titres de cette grande édition, de cette mi-journée. Au moins 200 000 emplois créés pour les jeunes diplômés, 500 000 autres pour les chômeurs non scolarisés dans le cadre du programme d'autonomisation économique de jeunes diplômés à travers tout le pays. Le projet de loi relatif a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres. Vous entendrez les précisions du secrétaire général du gouvernement dès le début de ce journal. Et le ministère en charge du transport annonce l'intention du Burundi d'importer et d'utiliser des véhicules à batterie rechargeable. L'idée étant de protéger l'environnement par la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et près d'une centaine de maisons et d'autres infrastructures ont été détruites ces derniers jours par de fortes pluies tombées à Kirundo et à Kayanza. Vous en aurez les détails. Et le 5 mars est la date butoir d'ouverture du marché en cours de réhabilitation de Kanyosha. Plus de la moitié des kiosques prévus sont déjà disponibles en effet. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Adoption en Conseil des ministres tenu mercredi 17 février d'un projet de loi portant programme d'autonomisation économique des jeunes diplômés. Un programme qui sera mis en œuvre dans toutes les communes du pays. Au moins 200 000 emplois seront créés pour les jeunes diplômés et plus de 500 000 autres pour les jeunes chômeurs non scolarisés. Suivez plutôt les précisions de Prosper Naurguamie. Il est secrétaire général du gouvernement et c'est dans un extrait du compte-rendu de son Conseil des ministres. Le Burundi, comme la plupart des pays africains, est caractérisé par une croissance vertigineuse de la population avec plus de 60% de la jeunesse. Ainsi, il fait face à une situation préoccupante entre la demande et l'offre d'emploi. Le taux de chômage est très élevé. La mise en place des programmes formation-emploi, la reconversion professionnelle, la création des micro-projets de développement sont des solutions à cette problématique. Ce programme a entre autres objectif d'améliorer les conditions de vie des jeunes chômeurs afin qu'ils contribuent au développement du pays. Il vient mettre la jeunesse au cœur du développement afin de la rendre autonome en luttant contre le chômage. Il vient aussi renforcer le patriotisme et la responsabilisation de la jeunesse dans les actions de développement. Ce programme sera mis en œuvre dans toutes les communes du pays. Il ambitionne de créer au moins 200 000 emplois pour les jeunes diplômés par les coopératives et les entreprises existantes et 550 000 emplois indirects pour les jeunes chômeurs non scolarisés, gravier, briques, sable, plantations d'arbres, etc. Après échanges et débats. Le projet a été adopté moyennant toilettage par une équipe qui a été désignée à cet effet, avec la recommandation que dans la mise en œuvre de ce programme, toutes les communes soient traitées de façon équitable. Le titre du texte est également à corriger, car ce programme concerne tous les jeunes chômeurs en général et les jeunes diplômés en particulier. Et le même Conseil des ministres a analysé le projet de loi portant code des investissements au Burundi, notamment ce qui est de la transparence dans le suivi et évaluation des biens exonérés. Le texte prévoit également le changement de nom de l'agence de promotion des investissements API en agence de développement. Suivez Prosper Naurguami. Le changement du nom de l'agence de promotion et des investissements qui est devenue l'agence de développement du Burundi. Le renforcement du rôle de l'Agence de développement du Burundi, car elle devient désormais le seul interlocuteur et le facilitateur unique des activités d'investissement. L'objet même de la loi a été modifié en y ajoutant la facilitation des investissements et la promotion des exportations. L'octroi des avantages à une catégorie d'investisseurs spécifiques, en l'occurrence les jeunes, les femmes et la diaspora. La définition des secteurs d'investissement et du montant minimal d'investissement éligible. Le renforcement et la clarification du cadre de suivi et évaluation des biens exonérés, notamment en accordant les avantages en fonction des étapes de l'investissement. La transparence et la clarification des avantages auxquels les investisseurs ont droit. Les obligations des investisseurs. la précision des sanctions en cas de manquement aux obligations contenues dans ce code, la prévision des voies de recours pour tout investisseur qui se sent lésé par une décision prise par l'agence. Au cours du débat des membres du gouvernement, il s'est dégagé entre autres les observations suivantes. Il risque d'y avoir des interférences avec les autres cadres légaux qui accordent les avantages, l'on citerait les coopératives, zones franches, zones économiques spéciales, etc. Il s'observe des chevauchements entre les missions de l'agence et celles de certains ministères, notamment ceux en charge du commerce, des finances et des affaires étrangères. L'agence accorde des avantages, en fait le suivi pour s'assurer qu'ils ont servi à l'objet pour lequel ils ont été accordés. Le volet exportation ne devrait pas être de la compétence de l'agence, car il y a d'autres structures qui en sont chargées. Pour le minimum de l'investissement exigé, il faut l'exprimer en dollars pour les étrangers et en francs burundais pour les Burundais. C'était le secrétaire général du gouvernement, Prosper Ntahorwamiye. Et le Burundi envisage importer et utiliser des véhicules à batterie rechargeable. Annonce faite par le secrétaire permanent au ministère en charge du transport lors d'une réunion d'information et de sensibilisation sur ce programme à l'endroit des parties prenantes dans le secteur de la mobilité. L'avantage évoqué, c'est la protection de l'environnement. Suivez Jérémy Maniguan-Ninzigo qui précise que ce programme est appuyé par les Nations Unies. Le programme des Nations Unies en rapport avec l'environnement a déjà initié au niveau mondial le programme d'utiliser l'énergie au lieu d'utiliser le carburant. Et ça veut dire qu'il y a des véhicules et des motos qu'on peut charger avec le courant électrique et ça roule comme le véhicule utilisé qui utilise le carburant. Et ça a des avantages au niveau de l'environnement étant donné que la protection de l'environnement au niveau mondial actuellement est prioritaire. Avec l'émission des gaz à effet de serre, ça va diminuer au niveau du monde en général et au niveau du Burundi en particulier. Nous avons voulu initier ce programme suite aux recommandations des Nations Unies, surtout l'aspect qui concerne l'environnement. Ce qui pourra être fait, d'abord, il fallait initier ce qu'on a fait aujourd'hui en réunissant les partenaires dans le secteur du transport et après, comme ce programme des Nations Unies en rapport avec l'environnement a promis à tout pays qui a été choisi et qui pourra mettre en œuvre ce programme. Il a promis des fonds pour la mise en œuvre. L'avantage principal considéré par le monde entier, c'est au niveau de la protection de l'environnement. Jérémy Maniguan-Ninzigo, secrétaire permanent au ministère en charge du transport. Et le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique ne compte pas fermer toutes les boutiques. Une précision du ministre Gervais Ndirakobucha qui indique que la décision de fermeture de boutiques ne concerne que celles qui se trouvent aux alentours des marchés construits par le gouvernement. Il fait remarquer que certains propriétaires de parcelles situées tout près des marchés ont transformé leur maison d'habitation en boutique. Je vous propose de le suivre. Il est traduit par Moïse Misako. Il y a ceux qui ont mal interprété ce que j'ai dit. Je le répète, je n'ai pas dit que toutes les boutiques vont être fermées. Le gouvernement conçoit le projet en collaboration avec ses partenaires dans la construction des marchés. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a constaté qu'après la construction de ces marchés, il y a des gens qui sont tout près de ces marchés qui ont transformé leur maison d'habitation en boutique. On ne peut pas tolérer cela. Ce sont ces gens à qui on a donné l'ultimatum jusqu'au premier. Ce sont les propriétaires de ces maisons des alentours des marchés qui sont concernés par cette mesure. Les marchés ont été construits pour développer le pays. Si les gens ne fréquentent pas ces derniers, ce sont des fonds qui seraient mal gérés. C'est cela que nous avons dit. Que personne ne dise pas que c'est la chasse pour ceux qui veulent se développer en ouvrant des boutiques ici et là. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Gervais Ndirakobucha. Et puisqu'on parle de marché, sachez que le 5 mars est la date butoir d'ouverture du marché en cours de réhabilitation de Kanyosha. Le représentant des commerçants exerçant dans ce marché signale que sur plus de 700 kiosques prévus, plus de la moitié sont déjà disponibles. Gad Minani précise que les constructions se poursuivront pour ceux qui n'ont pas encore fini. Omer Ndouayo. Le communiqué du 18 février envoyé à tous les commerçants ayant reçu les stands dans le marché de Kanyosha annonce que le 5 mars cette année sera le jour de la réouverture des 10 marchés. Une mesure qui a été bien accueillie par les commerçants qui demandent que cette date soit respectée. Nous avons l'espoir et nous avons reçu la nouvelle avec enthousiasme, car cela fait plus de 4 ans que nous sommes dans l'angoisse de travailler en dehors du marché. Nous nous sommes bien préparés pour rentrer dans ce marché. On a appris par communiqué que vers le 5 mars, on pourra reprendre nos activités au sein du nouveau marché. Même nos représentants nous l'ont fait savoir. Nous avons entendu que l'entrée au marché est fixée au 5 mars. Franchement, c'est une joie énorme. Ce n'est pas moi qui verra ce jour arriver. On est heureux et nous avons espoir que ça ira beaucoup mieux. Nous souhaitons que ce jour soit définitif pour l'inauguration du marché, que la date soit honorée. La représentation des commerçants affirme que cette date sera respectée. Gad Minani, le représentant légal, indique que ceux qui n'ont pas encore terminé les travaux de construction vont continuer à le faire en parallèle avec ceux qui auront déjà commencé les activités. Nous avons reçu un écrit qui précise que le marché de Kanyosha sera inauguré le 5. Les préparatifs consistent à la disposition des étagères. Les constructions au marché ne sont pas encore achevé, mais le reste n'est pas de grande taille. Les kiosques sont en nombre suffisant. Nous avons déjà construit plus de 300 kiosques. Jusqu'à la date butoir, nous aurons déjà construit plus de 400 kiosques. Comme le précise le communiqué du maire, les commerçants qui exercent leurs activités dans le petit marché de Guissio et d'autres petits marchés doivent déménager dans le grand marché de Kanyosha, car tous ces petits marchés seront démolis avant le 4 mars. C'était un reportage d'Omer Ndouayo. Vous êtes branché sur Isanganiro. Il est 13h08. Bientôt 9 minutes à Bujumbura. Isanganiro, la radio de l'avenir. Plus de 50 maisons d'habitation, 3 salles de classe, l'antenne de l'ONATEL tombée sur une maison également détruite, des poteaux électriques de la régie des eaux, des hectares de champs de culture non encore connus jusqu'ici ont été détruits par une pluie torrentielle tombée en commune de Kirundo dans l'après-midi de ce jeudi. Les victimes de ces aléas réclament le secours des bienfaiteurs et du gouvernement du Burundi. Les administratifs en commune de Kirundo demandent à la population de la commune de Kirundo de s'entraider dans l'urgence en attendant toute intervention extérieure. Et environ 21 maisons d'habitation, dont 3 totalement détruites, et 18 autres qui le sont partiellement, 26 ponts reliant différentes collines également abîmées, ainsi que différentes cultures endommagées. Voilà le bilan de fortes précipitations de ces derniers jours en commune et province Kayanza. L'administrateur de cette commune, Nyandoui Gilbert, appelle la population qu'il représente à la solidarité locale. Le même administratif demande au ministère de la Solidarité nationale, de la personne humaine et du genre d'appuyer la population victime de ces aléas climatiques. Éducation dans l'actualité de ce 19 février 2021. Les étudiants qui ont commencé et suivi dans le nouveau système BMD et ceux qui ont été enrôlés dans ce système sans diplôme d'État ont droit à un diplôme de technicien supérieur A1. Explication de la directrice générale au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Anastasie Gassogo, qui précise que les étudiants qui souhaitent avoir le niveau équivalent à la licence doivent faire une formation complémentaire combinée avec le diplôme A1. Suivez les explications d'Anastasie Gassogo au micro de Jean-Marie Mayonga. Je voudrais préciser que ça doit être libéré comme ceci. Les étudiants qui ont commencé et suivi leurs études dans le système BMD avant son entrée en vigueur et ceux qui ont été enrôlés dans le nouveau système BMD sans diplôme d'État après la promulgation de la loi numéro 1/22 du 30 décembre 2011 ont droit au diplôme de technicien supérieur de niveau 1-1 qui, combiné avec un certificat de formation complémentaire, leur donne droit à avoir l'équivalence du diplôme de licence de l'ancien système. C'est ce que explique donc l'ordonnance en question et pas autre chose. C'est pour les étudiants qui ont suivi leur formation dans l'ancien système à un moment donné avant l'entrée en vigueur du système BMD ou alors qui ont été enrôlés après la promulgation de la loi sans diplôme d'État. Parce que c'est le diplôme d'État qui conditionne l'entrée à l'enseignement supérieur. supérieur, nouveau système. Ceux qui avaient un diplôme d'État ne posent pas de problème. Ils vont avoir leur diplôme de baccalauréat, nouveau système. Mais ceux qui n'avaient pas le diplôme d'État à l'entrée doivent avoir le diplôme de technicien supérieur de niveau 1-1 et une formation complémentaire dont le certificat va être combiné à ce dernier diplôme pour demander ensuite l'équivalence à la commission habilité. Anastasie Gassogo, directrice générale au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et en bref, en actualité nationale et internationale, 180 bovins ont été distribués ce vendredi à la population de la commune Mouhouta de la province Rumongue par le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage à travers le projet Pridial. Nzguenimana Domitil, administrateur de cette commune, reconnaît que ces bovins apportent une valeur ajoutée surtout dans la production du lait et du fumier. Les bénéficiaires aussi ont apprécié ce don qui leur permettra de changer leur mode de vie en pratiquant une agriculture moderne. Et dans le reste de l'actualité internationale, le président français va proposer à ses partenaires du G7 qui se réunit virtuellement ce vendredi d'allouer 3 à 5% de leur dose de vaccin contre le Covid-19 aux pays en développement, notamment en Afrique. Une annonce faite dans un entretien accordé au quotidien britannique Financial Times pour permettre de lancer rapidement la vaccination dans ces pays. Dans cette interview, Emmanuel Macron a dénoncé aussi les prix exorbitants auxquels sont vendus les vaccins aux pays africains. Et enfin, après un voyage de 7 mois dans l'espace et une descente vertigineuse de 7 minutes, le rover de la NASA s'est posé sur Mars ce jeudi soir. Sa mission, en apprendre plus sur une éventuelle présence de vie passée sur la planète rouge. Et pour l'agence spatiale américaine, c'est une réussite franco-américaine éclatante qui marque le début d'une mission de plusieurs années. Son atterrissage a été accueilli par des cris de joie dans la salle de contrôle de la NASA, après plus de 470 millions de kilomètres parcourus en 203 jours. Les premiers clichés de la planète Mars sont déjà accessibles. Il est 13h14 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Mais avant de nous séparer, je vous en rappelle les grandes articulations. Au moins 200 000 emplois créés pour les jeunes diplômés, 500 000 autres pour les chômeurs non scolarisés dans le cadre du programme d'autonomisation économique des jeunes diplômés à travers le pays. Le projet de loi relatif a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres. Et le ministre en charge du transport annonce l'intention du Burundi d'importer et d'utiliser des véhicules à batterie rechargeable. L'idée étant de protéger l'environnement par la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et près d'une centaine de maisons et d'autres infrastructures ont été détruites ces derniers jours par de fortes pluies tombées à Kirundo et à Kayanza. Et vous l'avez suivi dans le reportage de Mère Douayo. Le 5 mars est la date butoir d'ouverture du marché en cours de réhabilitation de Kanyosha. En effet, plus de la moitié des kiosques prévus sont déjà disponibles. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Passez une très bonne journée à l'écoute de nos programmes. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro.